C'est toujours les débats de François, exceptionnellement aujourd'hui. Alors, j'accueille Félix. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Félix. Sophie. Bonsoir, encore. Tony. Salut, Françoise. Arlette, Céline. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Céline. Françoise, entre-temps, on a retrouvé Gérard. Hein. Entre-temps. Ah non, non. Merde. Non, non, non, non. Il est là, j'adore. Tu peux lui dire bonjour, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bon, alors, j'ai accueilli tout le monde, là. Alors, le sujet, c'est chagrin d'amour. Qu'est-ce qu'un chagrin d'amour? Alors, je vais te répondre. Oui, c'est qui, là? Arlette. Oui, Arlette. Un chagrin d'amour, c'est quand tu pleures. Oui. Quand t'as plus d'amour. D'accord. Tu vois le délire, un peu. Ouais. Ok. Alors, Félix. Bah, écoute, moi, je dirais le... Tu peux m'appeler le chat, hein, si tu veux, ça plus vite. Moi, oui, d'accord, le chat. Le chagrin d'amour, c'est quand ton cœur, en fait, se craquelle et se fend en deux, quoi. Ah, le vieux jeu de mots. Tu vois? D'accord. Une déchirure du myocarde. Ok. Tony. Moi, un chagrin d'amour, c'est quand je largue les filles. Et Gérard? Ouais, un chagrin d'amour. Ouais, c'est quand il y a eu rupture, hein. Bah, de toute manière, moi, je me dirai tout, je m'en suis prévu plus bien, hein. D'accord, ouais, et toi, Françoise? Tu peux répondre à la question, quand même. Répondre à la question, Françoise. Qu'est-ce qu'un chagrin d'amour? Ouais, je vais répondre, comme Céline. C'est très dur de perdre un chagrin d'amour. Ouais, c'est très dur de le faire, ouais. C'est pas facile. Non, c'est très dur et ça déchire le cœur, ouais. Ça, c'est sûr. Et c'est dur d'en trouver ou pas, Françoise? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Non, parce que... Bon, comme vous les garçons, vous dites une, deux parties, 10 de retrouver. Ouais, c'est vrai. Nous, on en fait autant. Hein. Non, c'est pas vrai, ça. Un, deux parties et 10 de retrouver aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, deuxième question. Avez-vous déjà vécu un chagrin d'amour? Christine, hein, j'ai voulu la dépouiller, mais ce salope, c'est pas vrai, hein. Bah ouais, dans son porte-monnaie, je voulais prendre 10 balles, 5 balles, j'ai jamais voulu, hein. Depuis ce chagrin d'amour, depuis ce chagrin d'amour, avez-vous retrouvé l'amour, Gérard? Ouais, je vais te laisser, Françoise, parce que là, je vais sauter Sandy. comme je suis un peu fatigué, non, mais elle m'attend dans le pieu, là. J'arrive, Sandy. Allez, vite là. Prépare le matos, hein. D'accord, Gérard. Qu'est-ce que tu voulais dire, Françoise? Non, j'ai dit sa vie de couple, Gérard, on n'a pas besoin de l'entendre. Tony? Oui? Bon, t'as pas répondu à la question, hein. Répète-la moi, c'est peut-être un peu. T'es chiant, hein, quand tu te dis mais. Ouais, je sais. Depuis ce chagrin d'amour, avez-vous retrouvé l'amour? Est-ce que tu l'as retrouvé, oui, Tony? Oui, oui. Mais là, elle dort, là. Françoise, excuse-moi, c'est Manu au standard, là. Pour remplacer Gérard, on accueille Stéphane Le Bourré. Ouais. Hello everybody, James of the dance floor. Salut Stéphane. Et bonsoir Françoise, elle est belle. Et Françoise, elle est belle. Stéphane, tu peux me répondre à la question? J'ai pas entendu la question. Est-ce que tu pourrais répéter la question? Depuis ce chagrin d'amour, avez-vous retrouvé l'amour? Mais quel chagrin d'amour? Est-ce que t'as déjà eu un chagrin d'amour? Ouais. Bon. J'ai un chagrin d'amour avec Sophie Marceau dans mon dernier film que j'ai vu. Êtes-vous resté en contact avec votre ex? Bon, alors, Félix. Alors, est-ce que j'ai gardé contact? Bah, écoute, non. Tu vois, j'ai coupé les ponts carrément et puis j'ai balancé tout. On a dit qu'on parlait pas de ponts. Oh là là. Ouais, c'est vrai, excusez-moi, j'ai parlé de ponts. Ouais, Stéphane, il peut répondre. Sophie. Alors ouais. Moi, je suis toujours en relation avec Catherine Deneuve. Et Sophie. Catherine Deneuve, elle est belle. Sophie. Oui. Et pourquoi le... Stéphane, perds ta gueule un peu. Et pourquoi Stéphane. Pourquoi tu cries? Ta gueule. Stéphane, ta gueule. Et pourquoi tu m'engueules? Tu répondras quand je te poserai la question. Laisse répondre Sophie pour l'instant. Sophie. Ouais. Ouais, moi je le vois plus parce que pareil, couper les ponts, passer à autre chose. Mais bon, il est parti, il a déménagé. Mais ouais, si je devais le croiser, pas de problème. Stéphane. Qu'est-ce que tu es un colo? Jamais été un colo. Je bois que de l'eau. Stéphane. Le coq, pourquoi tu prends l'accent américain quand tu imites Stéphane? Je bois que de l'eau. Bon. À la suite de ce chagrin d'amour, avez-vous? Arrête. Envisager de devenir Gwyn ou PD? Ouais, c'est Félix. Oui, Félix. J'ai envisagé d'être Gwyn, mais tout de suite, quoi. D'accord. Moi, c'est... Ok. Stéphane. Bonsoir, je suis devenu homosexuel. et avec Jean-Paul Belmondo dans Les Misérables. D'accord. Et Françoise. Oui, Stéphane. Ouais, je vais me coucher là. D'accord. Je vais, je vais boire un petit coup puis je vais coucher. D'accord. Ok. Bonne nuit, Stéphane. Bonne nuit, Stéphane. Bonne nuit. Tu peux répondre à la question, Françoise. Ben, j'aimerais bien tenter à être lesbienne. Pourquoi? Comme ça, pour goûter, pour voir si ça vaut le coup. Françoise? Oui, Céline. Ouais, je veux dire, donc en fait, t'as envie de tenter des expériences, quoi. Ouais, voilà. Mais si tu devais choisir une fille, parmi tes séries télé, tu choisirais qui? Hein? Si tu devais choisir une fille. Pourquoi une fille? Parmi les séries télé que tu regardes, tu choisirais qui? Alors, Victoria Principal. Ça? Victoria Principal. C'est qui ça? Pamela. Ah, Pamela. Ouais. Pamela. Ouais. Et pourquoi? Comme ça, parce qu'elle est belle. Elle est bonne, hein? Elle est bonne, cette salope, ouais. Quelque chose, c'est là. La Françoise? Françoise, oui. Excusez-moi tout le monde. On accueille Amédée. Hein. Comme par hasard. Adieu, Yoli. Adieu, Yoli. Amédée, écoute, remets ta culotte, Françoise, hein, si tu veux. Écoute Françoise un peu. Oui. Amédée. Oui. Bon, t'as compris la question? Oui. T'as pas me la répéter? T'as pas entendu la question? T'as pas me la répéter, s'il te plaît? À la suite d'un char à l'amour, avez-vous pensé... avez-vous envisagé de devenir Gwyn ou PD? Oh non. Non? Non. Non, toi, tu préfères qu'on te baisse ta culotte, hein? Yo, en ta chouette conne, tu viens me voir. D'accord. Oh, que tu es chaud. Bon, on va dire au revoir à Amélie, on l'accueille à Chirac. Oh, non. Alors, bon. Excusez-moi. Comme l'avait prévu Tony, on accueille Jacques Chirac à la place d'Amédée. Hein. Voilà. Oh, mais quel devin, Tony. Bonsoir, la France. Écoutez, il y a dans ce pays une fracture sociale. Avec d'un côté les GG et d'un autre côté les Françoises. Bon, Jacques Chirac, ta politique, tu la gardes pour le moment. Hein. Okay. Là, on est dans les débats Françoises. Exactement. Et tu sais faire Pierre Fula? Non. Et bien, ici, Nagano. Bon, et vos gueules, là. Oh, ça m'a toujours... Eh, vous répondez là, maintenant. Oh, bon. La dernière question, déjà. Oh là là. Ah non. Ah si. Êtes-vous devenu... Je sais pas si je l'ai encore. Oh non. Êtes-vous devenu impuissant ou frigide à la suite de ce chagrin d'amour? Ça, c'est une question à Gégé, ça. Non, non, pas du tout. Frigide, ouais. C'est qui répond, là? Je crois que c'est la Gwyn qui a dit frigide. Alors c'est Félix. Et vas-y, réponds, pétasse. Félix. Non, impuissant et frigide, non, ça c'est impossible. Non, mais frigide, c'est pour nous, nous les femmes. Ah hein. Oh, ouais. Je suis Gwyn, je le rappelle. C'est frigide, hein, chienne. Chien. Impuissant, je dirais impossible, il suffit d'une voix pour m'exciter, tout simplement. D'accord. Ok. C'est qui suit après Pierre Fula. Eh bien, non, mes performances sexuelles sont toujours aussi hautes. J'effectue actuellement le record de levrette brillée. Eh bien, mon record est actuellement de 10 minutes, 55 secondes, 12 centièmes. D'accord, ok. Aïe a répondu. Aïe. Tony. Non, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on se fout de ma gueule, là. Non, bah, c'est rien, quand on dit ton prénom, il est mort de rien. Tony, Tony, Tony, ma gueule, là. Tony, c'est ta pire règle, là. Oh, l'oreille, Tony. Oui. Non, non, en fait, quand on reste sur un chagrin d'amour... merde. Laissez parler Tony, merde. C'est pas marrant, putain, je suis pas Gérard. Laissez parler Tony quand même, hein. Mais il me coupe à chaque fois. Mon pauvre Tony, tu vois. Ouais, donc moi je suis chaud comme une bouillasse. Je vais raccrocher, hein. C'est bon, je réponds. Comme c'était la dernière question... Attends, François, on attend quand même ta réponse. Ben... Alors, Frigide. Aïe, a répondu. C'était ta réponse, Françoise? Ouais. Ok, d'accord, bon, on va faire la conclusion. Alors, comme d'hab, hein, chacun son tour, hein, comme à la queue leu leu. Alors, Félix, ta conclusion. Félix passe en premier, comme d'hab. Ouais. Oui, parce qu'il est marqué en premier. Ouais. Ok, bah écoute, François, c'était génial. Sans déconner, vraiment bien, bien, bien. Ça fait plaisir qu'il y ait un peu de détente. D'accord. Ces temps, ces derniers temps, j'ai répété les plombs. Mais bon, cela étant, les deux débats, très, très bien. Bravo à toi. Merci. De rien.